Mesdames et messieurs, approchez-vous, écoutez-moi. J'ai raconté aujourd'hui ce que je voulais dire depuis des mois. Prenez ça pour des aveux, je prends ça pour un mea culpa. Après examen de mon cas, j'ai décidé de plaider coupable. Donc c'est vrai que je suis solitaire, que plus à nom, puis je me sens seul. Je m'évade de cet endroit, mais je ne m'appelle pas Michael. J'ai lâché pas mal de gens quand j'ai vu ce qu'ils offraient. Depuis, je n'écoute que ma parole, comme si j'étais schizophrène. J'en parlais à cœur ouvert, car on me dit que je suis fermé. Je viens dire ce qui me soulage, car le micro me le permet. Parano, lunatique, ces petits pères enculés, peu bavards, trop timides, nerveux et renfermés. Oui, je sais, la liste est longue, elle mérite d'être complétée. Mais me prends pas pour un con, c'est mes plombs qui vont péter. Les potes sont devenus des putes, ne s'occupent que de leur peau. Combattre ceux qui me parlent dans le dos, ce n'est pas de tout repos. J'ai un caractère trempé, mais je suis pas né de la dernière pluie. Si un jour je me casse la gueule, qui saura me faire appui? Dans ces conditions, c'est dur d'imaginer le futur. Je fais la guerre contre moi-même, mais ça fait longtemps que ça dure. Comprends pourquoi là je sature, la rage fait des ravages. J'ai la haine, fédérateur, fédérateur, je rassemble les abattus. C'est pas de ma faute, on n'a pas les mêmes délires. Mais aujourd'hui, être à l'écart est perçu comme un délit. Je suis ce genre de personne qui change d'humeur 6 fois par jour, mais qui me connaît par cœur ou a idée de mon parcours. Laissez-moi viser la lune pour atteindre les nuages. Si ma vie est un roman, il serait grand temps que je tourne la page. J'ai pas fait le deuil de mon enfant, je suis nostalgique de cette époque. J'appréhende le futur et les problèmes que ça évoque. Entre vous et moi, c'est simple, la fracture s'amplifie. Surmonter ce qui m'entrait, c'est devenu un défi. La déprime, c'est comme la joie, ça revient et ça repart. Au fond de moi, c'est la guerre, j'ai plus un cœur, j'ai un rempart. À force d'être déçu, maintenant je m'attends plus à rien. On m'a tellement roulé dessus, comment veux-tu que je marche bien? On m'a dit fais des efforts, allez vas-y, faut que tu t'insères. Mais je vous jure que je trouve ça dur et quand je dis ça, je suis sincère. Oui, je vis dans ma bulle et j'en ai fait ma carapace. Mais où est passée la colombe dans ce monde de rapaces? Putain, c'est toujours la même rengaine, n'habitez pas la rancœur, ça fait 20 ans que je fais la guerre. Le sourire m'a boycotté, c'est à toi qui me fait la gueule. Moi aussi je voulais prier avant qu'on me dise faut faire la queue. Entre la guerre et la paix, toi tu choisis laquelle? Moi j'ai choisi la première pour obtenir la deuxième. À part ça, je suis toujours un nostalgique qui a choisi le stylo à la place des antalgiques. Ouais, yeah, yeah. Je serai toujours un nostalgique qui a choisi le stylo, qui a choisi le stylo à la place des antalgiques, à la place des antalgiques. Guillermo. Entre vous, c'est moi. Entre vous, c'est moi. Entre vous, c'est moi. Entre vous, c'est moi. Entre vous, c'est moi. Entre vous, c'est moi.